T'es déjà rentré, on a même pas pu se parler. J'étais fucked up après deux trois revers. J'étais fucked up quand tu m'as regardé. Mais je sais que t'en vaut la peine. Oui, je sais que mon ambition n'est pas vaine. Oui, je sais que tu peux devenir la mienne. Avec moi c'est pas la même. Oui, je sais. Oui, j'ai pas la gueule de l'emploi. Oui, je sais que je pourrais jamais rentrer chez toi. Et je sais que je peux pas toucher, j'en ai pas le droit. Oui, je sais. Oui, je sais. Oui, je sais. Oui, je sais. Oui, je sais. Oui, je sais. Et tu peux être la mienne. Blesse-toi et je saigne. Toi et moi, on peut construire. On peut construire. On peut construire. Tu peux être la mienne. J'passerai de l'amour à la haine. J'passerai de l'amour à la haine. J'coulerai mon sang sur tes peines. J'te mettrai au-dessus de Rennes. Et parle-moi même d'un enfant. Vois plus loin qu'une chanson. Parlons ça aujourd'hui, pas demain. Oh. Oui, je sais. Oui, je sais. Oui, je sais. Oui, je sais. Oui, je sais. Oui, je sais. Oui, je sais.